Banks. C'est sérieux, c'est sérieux. 23, c'est pas Paris Centre, Alger. Écoute. Le temps que j'en réalise, mon bled est tombé dans le vide. Un peu difficile à dire, on y veut par la musique. On y veut par la digue, un gouvernement qu'on n'ose pas contredire. Attends, un coup d'état sur un coup de thé, entre père et fils. On a fait dans une ville, la mort de l'île pour faire rire. Je vois les enfants de Kim, ça va entre la vie, la mort, l'agonie. Lors le diamant, le gaz, le coltan, ces produits qui nous détruisent. Les casques de putain, tout travail, je n'en vois toujours pas les fruits. Certainement, c'est la vie et ses aléas. On s'égare tout doucement, on devient des aliens. Tu me diras, certainement, c'est la vie et ses aléas. On s'égare tout doucement, on devient des aliens. Je sois pas mon au milieu de cette guerre-là. Parce que je t'aimerai pour toujours mon Algérie. Oui, je chante ça pour le milieu de cette guerre-là. On dira ton patron qui les virait. Voilà mon cabis, ma tête est malade. La rage est profonde, j'ai pas toujours pied. La vie c'est breton, chacun ses salades. Un ici brûlé, le roi de Bourguet. Gardien d'entrée qui lance le cité chaud. La banlieue fait plus voir, la voie plus léger. Les échappillards s'approchent de musique en esprit geek. Comme rage d'emparer, c'est léger. Rage des médias. Quand ils sont édits, on oublie des sombres, des sens et la guérilla. C'est pas la feria. Je reviens parce que je t'aime mon Algérie. L'occurrence qui passe là, la compta est passée. J'ai rempli la massa, j'ai fumé le passé. On a changé dans le 9-3. J'ai déjà réglé tous mes comptes. J'ai partagé la fusée. C'est pas qui m'a dit non. Je chante à mon au milieu de cette guérilla. Parce que je t'aimerai pour toujours mon Algérie. Je chante à mon au milieu de cette guérilla. Il me parle. Exclusif de Polotrop en s'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.